Radio Notre-Dame, il est 17h. La beauté de la musique liturgique orthodoxe, la sagesse des saints-pères de l'Église, l'art de la prière incessante, l'actualité de la sainte tradition chrétienne. Venez les retrouver dans l'Église orthodoxe aujourd'hui, chaque dimanche à 17h. Une émission réalisée sous la bénédiction de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et proposée par Bogdan Florent Vlaïkou. L'Église orthodoxe, aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, bonjour. Le 1er janvier, par l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie, 30 millions d'habitants, dont 25 millions d'orthodoxes, ont rejoint l'Union européenne. Si le numéro de pays orthodoxes en Europe, qui était jusque-là de 2, la Grèce et le Chypre, s'est doublé ainsi, le nombre des fidèles orthodoxes est devenu presque de 3 fois plus grand. Nous allons donc consacrer l'émission d'aujourd'hui à la spiritualité roumaine, à ce que peut apporter à l'Europe cette adhésion de la Roumanie, à ce qui peut apporter à la Roumanie cette entrée dans la communauté européenne du point de vue spirituel. Et on va bien sûr parler aussi de l'importance de la présence orthodoxe en France et de la semaine œcuménique qui vient de se terminer, des rapports œcuméniques entre catholiques et orthodoxes. Pour nous parler de tout ça, j'ai invité aujourd'hui dans les studios de Radio Notre-Dame Monseigneur Joseph, métropolite de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale. Soyez le bienvenu, Votre Excellence. Bonjour. Donc, vous n'êtes pas pour la première fois dans notre émission. D'ailleurs, vous avez souvent intervenu dans nos émissions et vous êtes le premier intervenant de la première émission en 2001. Et du fait que vous êtes aussi à l'initiative de la création de cette émission, il y a plus de 6 ans maintenant. Et vous n'êtes pas pour la première fois non plus en direct dans les studios de Radio Notre-Dame, parce que mes collègues de Radio Notre-Dame vous ont déjà invité, je pense surtout à Denise Dumoulin. Mais c'est pour la première fois quand vous êtes en direct dans l'émission orthodoxe, donc je vous souhaite la bienvenue. Et je pense que vous êtes très bien placé pour nous parler de tous ces sujets. On a parlé donc de cette orthodoxie qui se trouve aujourd'hui, cette présence orthodoxe qui se trouve aujourd'hui renforcée par l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie. Jusqu'au 1er janvier, il s'agissait seulement de la Grèce et du Chypre et de quelques communautés orthodoxes dans des pays de l'avant-dernière vague. Je pense à la Pologne, à la République tchèque et slovaque, et bien sûr de communautés orthodoxes d'Occident. Je rappelle que les églises des deux pays hellénophones mentionnés sont autocéphales, mais c'est pour la première fois quand deux patriarcats orthodoxes se trouvent sur le territoire de l'Union européenne, à Bucarest et Sofia. Je rappelle aussi à nos auditeurs, et peut-être vous allez développer ça, le fait que l'Église orthodoxe a une organisation qui lui est propre. Elle se manifeste comme une communion des églises locales, patriarcales et autocéphales ou autonomes qui sont unies dans la confession d'une foi commune. Les églises patriarcales et autocéphales peuvent coïncider soit avec des communautés de civilisation, soit avec des communautés nationales. Les églises patriarcales sont les 4 patriarcats anciens de Constantinople, Alexandrie, Antioche, dont le siège se trouve à Damas et de Jérusalem, mais aussi les patriarcats de constitution plus récentes de Russie, de Serbie, de Roumanie, de Bulgarie et de Géorgie. Même si le patriarche œcuménique a une primauté d'honneur, tous les chefs des églises patriarcales et autocéphales, patriarches et archevêques, sont égaux selon le droit canonique orthodoxe. Mais patriarche demeure le plus haut titre auquel un évêque orthodoxe peut accéder. Ainsi, les patriarches Théoctiste de Roumanie et Maxime de Bulgarie sont indépendants, chacun à la tête du Saint-Synode composé des évêques orthodoxes de son pays. Avec plus de 20 millions de fidèles parmi les 22 millions d'habitants, l'Église orthodoxe roumaine est la deuxième Église orthodoxe au monde après celle de Russie du point de vue du nombre de fidèles. Le christianisme a été prêché selon la tradition aux bouches du Danube au 1er siècle par saint apôtre André, appelé aussi l'apôtre des Roumains, et s'est répandu dans cette région après la conquête de la Dacie par Rome en l'année 106, et surtout à partir du 4e siècle en lien avec la nouvelle Rome Constantinople, la capitale chrétienne de l'Empire. Ainsi, héritiers des Dacs romains, les Roumains sont devenus l'unique peuple néo-latin de confession chrétienne orthodoxe dont le pays rappelle aujourd'hui le nom ancien de l'Empire romain chrétien, Romania. Jamais occupée par les Turcs ottomans, mais martyrisée durant les 45 ans du communisme, la Roumanie est actuellement le pays le plus riche en monastères chrétiens au monde. Chers auditeurs, je vous invite à tous ceux qui veulent participer à notre entretien à nous joindre au numéro de téléphone 01 56 56 44 45. Je vous rappelle, donc le numéro est 01 56 56 44 45. Adriana Guiman va répondre à vos appels. Vous pouvez également nous adresser vos questions en écrivant à l'adresse électronique de l'émission ortradio@free.fr. ortradio@free.fr. Monseigneur Joseph, aujourd'hui vient de se terminer le congrès général de NEFSIS, qui est l'association de jeunesse de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale. Et on va peut-être commencer notre entretien à partir de cet événement d'actualité, donc qui concerne même le jour d'aujourd'hui. Quand vous avez concélébré avec un évêque venu spécialement de Roumanie la divine liturgie dans la paroisse Saint-Parasève, Saint-Geneviève de Paris. De quoi s'agit-il? Avant tout, cette association que nous avons créée pour les jeunes de notre métropole existe déjà depuis 8 ans. Chaque année, ils ont un congrès. Cette année, le congrès s'est tenu le 27 et 28 janvier, ayant comme invité l'évêque Jean, qui vient de Transylvanie, de Roumanie, et qui est venu parler, bien sûr, aux jeunes. Mais la rencontre de cette année était sous le signe d'une décision que les jeunes ont pris l'année dernière, en 2006, l'été 2006, se trouvant en Roumanie dans un pèlerinage. Alors ils se sont dit, nous avons connu la Roumanie chrétienne, la Roumanie orthodoxe, avec des jeunes de toute l'Europe. Pratiquement chaque année, il y avait une cinquantaine de jeunes de plusieurs pays de l'Europe qui se rencontraient en Roumanie et qui priaient ensemble en toutes les langues. Il y avait des Grecs, des Russes, des Polonais, des Anglais, des Français, Belges, Roumains, Hongrois, de tous ces pays. Donc ils ont dit, cette année, nous allons vouloir changer un peu et passer l'été avec un groupe d'enfants orphelins que nous avons trouvé dans deux endroits de Roumanie, dans un monastère et dans une paroisse au sud de la Roumanie, un monastère de Transylvanie, où il y a une centaine d'enfants, et nous voulons réunir un groupe de jeunes de l'Europe, d'Angleterre surtout et de France et de Roumanie, pour vivre durant 2 semaines avec eux au mois d'août en Roumanie, faire un camp spécial pour ces enfants orphelins. Donc autour de cette idée, nous nous sommes rencontrés cette année. Nous avons créé une association spéciale pour cela, une association qui s'appelle Axios, et qui réunit des jeunes de France et de Roumanie. Bien sûr, les actions sont tournées vers la Roumanie, mais nous avons pensé que peut-être des mêmes actions pourraient être continuées en Russie, en Bulgarie et partout ailleurs, en Ukraine ou autre part. Donc le thème de la rencontre de cette année était aussi comment vivre notre tradition chrétienne orthodoxe aujourd'hui. Et l'évêque Jean, justement, il a parlé de cette continuité qui existe entre la tradition ancienne de l'Église orthodoxe et celle d'aujourd'hui, la vie, notre vie d'aujourd'hui. Il y avait des jeunes qui venaient d'Espagne, d'Angleterre, Irlande, Belgique, la France et bien sûr la Roumanie et la Hongrie. Nous avions aussi des jeunes qui venaient d'Hongrie. Ce qui est peut-être intéressant, et l'originalité du congrès de cette année, c'est que si d'habitude venaient bien sûr des jeunes roumains des divers pays d'Europe occidentale, et aussi des jeunes français ou francophones des paroisses qui appartiennent de la métropole roumaine, cette année des jeunes d'autres ethnies et origines et d'autres juridictions de divers pays sont aussi venus et participent à ce congrès. Oui, justement, il y avait des jeunes du patriarcat d'Antioche, mais qui sont des Français, qui vivent à Paris, qui sont des Français nés ici, et d'Angleterre, du patriarcat de Constantinople, des jeunes d'origine grecque qui s'impliquent aussi dans ce projet de notre association de jeunesse. Voilà. Oui, on a eu davantage donc l'impression que voilà, la Roumanie se trouve vraiment à l'intérieur d'Europe maintenant. Il y a presque un mois, depuis que la Roumanie est devenue de facto un des pays de la communauté européenne. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de l'importance de cette adhésion maintenant, presque un mois, depuis que cet événement s'est passé, et comment elle a été reçue en Roumanie? Je pense que, comme beaucoup d'entre ceux qui se disent chrétiens et qui tiennent de l'Évangile leur vie et leur manière d'être, nous savons tous que l'unité du genre humain en général est souhaitée par le Seigneur lui-même. Mais d'autant plus, là, le continent européen, un continent chrétien, avec des traditions bien sûr qui sont judéo-chrétiennes ou musulmanes par la suite, avaient besoin d'une unité. Donc peu à peu, même les pays qui sont sortis du bloc communiste après 70 ou 50 ans, comme la Roumanie et la Bulgarie, voilà, en 2007 deviennent le 26e et le 27e pays de la communauté européenne. L'importance, bien sûr, politique, sociale, économique, c'est à sa place cette importance, mais aussi de point de vue de notre Église, des chrétiens orthodoxes, nous sommes au bout d'un chemin que nous avons fait. Pas seulement depuis 89, depuis la chute du régime, mais je pense que beaucoup de ceux qui connaissaient l'Europe unie avant 89 souhaitaient quelque part, et ils se préparaient pour qu'un jour, je parle cette fois-ci de la Roumanie, ils deviennent des citoyens de l'Europe unie. Une Europe qui, depuis deux millénaires, a connu tant de mouvements, tant de troubles, de guerres, de haine entre les peuples, entre les gens, culminant par la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, cette rupture avec le passé, avec la désunion, avec tout ce qui a troublé l'Europe. Voilà, arrive enfin une Europe unie. Et les orthodoxes, je pense que nous-mêmes, qui vivons déjà dans l'Europe depuis des années et des années, ici en France ou ailleurs dans l'Europe, Nous sommes soulagés. Nous avons abouti à vivre cette fraternité, cette communauté européenne chez nous. Mais je reprendrai les paroles du président de la Commission européenne, Monsieur Barroso, qui disait le jour de l'intégration même, bienvenue à la maison, au peuple bulgare et roumain. Donc, je pense que même les chrétiens orthodoxes, quand ils rejoignent l'Europe, nous ne pouvons pas dire les uns aux autres, ou ceux qui sont là déjà, ils ne peuvent pas dire autrement que bienvenue à la maison, bienvenue chez vous, d'une certaine manière. Est-ce que vous pensez que un certain cap a été dépassé par cette adhésion, parce que on sait bien que l'histoire d'Europe a été marquée par des conflits et des guerres entre l'Orient et l'Occident, des controverses religieuses aussi, surtout à partir du moment quand l'Occident s'est constitué en tant que puissance politique à partir de l'époque de Charlemagne, l'année 800, quand il devient un centre de pouvoir à part en rivalité avec le pouvoir qui existait déjà à Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin. Et donc il y a eu une certaine ligne de séparation entre les deux mondes, l'Europe occidentale et orientale, qui partait à peu près de Riga dans les pays baltes et jusqu'à Split, passait en plein milieu de Yougoslavie. Et on sait que le dernier écho de ce conflit a été la guerre tragique qui a eu lieu dans l'ex-Yougoslavie. Et voilà que maintenant, une vague orthodoxe, donc qui se trouve carrément donc de l'autre partie de cette ligne, entre en Europe, pas pour d'autres raisons. Donc, il est reçu par l'Europe en tant qu'une partie intégrante d'Europe. Premièrement, je pense que cette unité, bien sûr, n'est pas une unité religieuse. C'est une provocation pour nous, pour les chrétiens, bien sûr, au dialogue, à mettre en commun ce que nous avons à mettre en commun, montrer notre unité là où cette unité existe, et faire des efforts de dialoguer pour arriver à cette unité, que ce n'est pas à nous d'inventer sa fin, sa finalité, mais c'est le Seigneur lui-même qui nous a demandé et qui a prié pour l'unité de tous les chrétiens. Donc, bien sûr que par l'expression de nos traditions chrétiennes, à un certain moment, il y avait peut-être une ligne de démarcation, de séparation entre soi-disant l'Europe occidentale et l'Europe orientale, de l'Est et l'Ouest. Mais dans le même temps, nous savons bien que depuis le 19e siècle, déjà les cultures développées dans des régions comme la Roumanie, qui est dans l'Europe de l'Est, ou l'Europe orientale, les cultures deviennent uniformes. Pourquoi ? Ben, c'est très simple. Au 19e siècle, par exemple, à partir de 1830-40, il y avait énormément de Roumains qui vivaient à Paris, étudiaient à Paris, venaient par centaines. Nous connaissons beaucoup de Français aussi qui vivaient à Bucarest, qui vivaient la vie des Roumains, ou les Roumains qui vivaient la vie des Français. Donc cet échange, ne serait-ce que le 19e siècle, mais on peut aller encore beaucoup en avant le 19e siècle. Donc on ne peut pas parler beaucoup d'une séparation des cultures, parce qu'on se connaissait, on se côtoyait, on apprenait, on faisait chez les uns ce qu'on voyait chez les autres. Donc peu à peu, il y a une sorte d'échange qui était très fécond entre l'Europe de l'Ouest et de l'Est. Maintenant, ce qui est resté un peu, bien sûr, séparé, c'était les églises, les traditions, la tradition orthodoxe qui, depuis le XIe siècle, même avant, l'Orient et l'Occident, ils avaient des différences de tradition. L'Europe était latine, d'une tradition latine, romaine, de l'autre côté une tradition byzantine qui s'est installée dans les églises orthodoxes et qui est restée, s'est développée et est restée de prédilection et la seule dans l'église orthodoxe. Donc les différences de ce point de vue de la tradition restent. Mais ce qui nous unit au-delà de tout, c'est l'Évangile. Donc notre source est unique, c'est l'Évangile. Oui, donc comme vous le disiez, cette ligne de séparation n'était pas impénétrable. Il y avait beaucoup de communication, d'échanges culturels, spirituels entre les deux parties d'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que même du point de vue religieux, les choses n'étaient pas tellement séparées d'une manière tellement radicale, parce qu'il faut toujours rappeler qu'il y a des Slaves qui sont catholiques romains, comme les Polonais ou les Tchèques, et il y a les Roumains qui sont des Latins mais orthodoxes. Donc la situation était beaucoup plus nuancée que ça. Mais à partir de cette adhésion, on peut dire que du point de vue politique, économique, il n'y a plus une vraie ligne de séparation à travers l'Europe. Donc c'est une vraie unification. Et ce qu'on peut, espérer, c'est que les chrétiens aussi, ils dépassent cette mentalité un petit peu de conflit, de civilisation qui n'existe plus déjà. Et qu'il n'y a plus de crainte ou de mépris, qui sont les ennemis du dialogue. Voilà, c'est une chose très importante que tu viens de dire. Peut-être nous étions trop habitués à une, disons, à se défendre, à garder ce que nous avons, à ne pas entrer en dialogue, à ne pas dire, à ne pas affirmer, à ne pas s'ouvrir. Mais je peux dire aussi le contraire. Ce n'est pas vrai. Dans l'histoire, il y avait et il y a beaucoup d'ouverture. Même n'en pensons qu'à la Roumanie, à la Moldavie, du temps de Saint-Étienne le Grand, de Stéphane cel Mare. Il était nommé par le pape, même l'athlète du Christ et défenseur de l'Europe. Écoutez, défenseur de l'Europe. Et nous sommes là au XVe siècle. Quand on pense que l'Europe de l'Ouest et de l'Est était très séparée. Nous savons bien que les cours des princes en Europe de l'Est étaient remplis des professeurs, d'architectes, de musiciens, d'hommes de culture qui traçaient et qui étaient en dialogue permanent avec ceux qui se trouvaient là-bas. Mais c'était finalement qui? Mais ils étaient orthodoxes même au XVe siècle. Non. Donc on peut parler qu'il y avait un dialogue extraordinaire, on voit dans l'architecture, même dans l'architecture de l'église, ce dialogue, dans les écrits, dans la musique, dans tout ce qui touche à la vie de l'église, on voit ce dialogue dans le temps entre l'Orient et l'Occident. Bien sûr que se situer sur une position de défense sans cesse, je pense que ce n'est pas bien et nous avons dépassé ce moment depuis longtemps. Au XXe siècle, bien sûr, il y a le Conseil mondiale des églises qui s'est développée beaucoup, la conférence des églises européennes, le dialogue entre l'église catholique romaine et l'église orthodoxe a fait que l'ouverture, l'échange, le commun, chercher aussi ce qui nous unit, ce qui est commun, pas seulement ce qui nous divise, tout ça fait partie d'une autre époque, de l'époque de dialogue, là où nous sommes entrés. Justement, c'est dans cet esprit, dans cette perspective qu'on essaie de réaliser les missions d'aujourd'hui. La crainte, le mépris doit être dépassé parce que on a besoin du dialogue. On peut beaucoup apprendre les uns des autres, les chrétiens de diverses confessions. Je vous invite toujours, chers auditeurs, à participer à notre dialogue en nous appelant au numéro de téléphone 01 56 44 45. Je répète, 01 56 44 45. Et vous pouvez aussi nous écrire au numéro de téléphone ORT Radio. Vous pouvez nous écrire à l'adresse email ortradio@free.fr. Je répète, ortradio@free.fr. Je vous invite à écouter maintenant un premier morceau de musique. Il s'agit d'un chant liturgique, bien sûr. Il s'agit du Tropaire de Saint Basile le Grand. C'est une occasion aussi de rappeler qu'on aura mardi prochain, donc le 30 janvier, la fête de la synaxe des trois saints hiérarques, Basile le Grand, Grégoire le théologien et Jean Chrysostome. Le Tropaire est en roumain, interprété donc par la chorale byzantine Stavropoleos de Bucarest. Nous sommes en direct avec Monseigneur Joseph Pop, métropolite de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale. On a parlé donc un petit peu de l'importance de cet événement, de l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l'Europe le 1er janvier. Et on va continuer à parler l'importance de la présence orthodoxe en Europe, de la spiritualité roumaine, de dialogue œcuménique entre l'Église orthodoxe et catholique. Nous vous invitons toujours donc à nous joindre au numéro de téléphone 01 56 56 44 45. Donc 01 56 56 44 45. Adriana Guiman va répondre à vos appels et vous pouvez donc participer à notre dialogue. Monseigneur Joseph, ce lien entre la Roumanie et l'Europe, et en particulier la France, ne date pas depuis hier. C'est une relation de longue date, et même on peut trouver des échos dans l'histoire très ancienne. Maintenant, à peu près tous les chercheurs, les patrologues sont d'accord que Saint Jean Cassien, celui qui a fondé les premiers deux monastères en France, à Marseille, était né au bord de la mer Noire, donc dans une région qui se trouve en Roumanie aujourd'hui. Oui, Saint Jean Cassien est un pont, celui qui fait venir, qui fait connaître la vie communautaire, monastique, en Occident, en France en particulier, à Marseille. Donc il se trouve là, encore ses reliques sont dans l'abbaye Saint-Victor à Marseille. Il a fait, il y a quelques années déjà, un périple en Roumanie, en Moldavie, à Iași, qui est la capitale de la Moldavie, se trouvent les reliques de Sainte Parasève, une sainte du XIe siècle. Et à cette occasion, au 14 octobre, chaque fois il y a plus d'un million de pèlerins qui viennent à cette fête, et chaque fois l'évêque du Dieu, le métropolite de Moldavie, invite un évêque de l'Église orthodoxe, de l'Église catholique. Donc il y a quelques années, le cardinal Panafieux a été invité là, étant prié de faire venir aussi les reliques de Saint Jean Cassien. D'une certaine manière, c'était revenir à la maison, revenir chez soi, visiter le pays d'origine, les terres d'origine. Et il a fait un périple à travers toute la Moldavie jusqu'au bas Danube, dans la région où il est né. Et nous-mêmes, ici en France, à Marseille, nous allons, à partir de cette année, développer un pèlerinage et un jour spécial de prière sur les reliques de Saint Jean Cassien à Marsilia, à Marseille. Voilà, et justement pour mettre en valeur ce que Saint Jean Cassien a pu faire déjà il y a plus de 15 siècles, en venant d'Orient, ce qu'il a pu faire, donner comme valeur de vie chrétienne à l'Occident chrétien. Justement, les auditeurs de l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui ont pu découvrir le moment même, cet extraordinaire retour de Saint Jean Cassien chez soi, 1500 ans plus tard. Mais si on peut revenir à une époque plus récente, donc il y a eu plusieurs personnalités de la culture roumaine qui se sont inscrites avec un grand succès dans la culture française au XXe siècle. Et je pense d'abord peut-être au Roumain qui est le plus connu en France, car il est aussi étudié à l'école. Il s'agit de Eugène Ionesco. Ce que on sait moins, c'est que tous ces Roumains, ou la plupart d'entre eux, dans leur création, ils étaient quand même très liés à la spiritualité roumaine, où ils ont baigné quand ils étaient enfants. Justement, quand nous pensons ce que tu disais juste au départ, qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, en tant que Roumains orthodoxes, cette fois-ci, à l'Europe. Bon, chaque homme, chaque femme, chaque personne humaine a une manière de vivre. Souvent, la foi est celle qui détermine beaucoup d'actions, de gestes dans notre vie. La foi que nous avons au plus intime de notre être, de notre âme, génère en nous et fait vivre en nous des énergies inconnues ou cachées finalement. Donc parlant des gens, des personnalités comme Ionesco, Sioran ou le père Virgile Gheorghiu ou Dumitri ou tant d'autres, bien sûr que parlant de ce grand écrivain Eugène Ionesco, on peut aussi entrevoir, d'après même ce qu'il disait, sa foi, la profondeur de sa foi chrétienne, orthodoxe, bien sûr, qui s'est accentuée beaucoup vers l'ultime partie de sa vie, quand il a redécouvert ses racines chrétiennes orthodoxes et il les a mises en valeur d'une autre manière. Après, c'est le père Virgile Gheorghiu qui était au moins aussi connu que Eugène Ionescu, du fait qu'il a été pratiquement moi-même, j'ai parlé encore une fois à la radio Notre-Dame de cela, il y avait beaucoup de personnes en France, quand on se rencontrait, on demandait, mais vous venez de quel pays? Bon, de la Roumanie, juste après, il demandait, est-ce que vous connaissez le père, vous connaissez Virgil Gheorghiu, est-ce que vous connaissez ce qu'il a écrit, tout ça, bien sûr, qui ne connaît pas la 25e heure à l'heure éternelle. Mais c'est quoi, cela? Mais c'est une rencontre sur le terrain de la foi, entre l'Orient et l'Occident, Virgil Gheorghiu qui proposait à ses lecteurs en France une manière de voir la vie de là d'où il vient. Étant fils de prêtre, en voyant l'impact que la foi avait dans le peuple et sur sa propre vie. Je pourrais rappeler seulement un petit passage de son livre. Quand il était tout petit, il était très jaloux, parce que tout le monde appelait son père, son papa, père. Alors, à un certain moment, il a éclaté en disant, mais pourquoi tout le monde appelle père mon père? Parce que c'est que mon père, il n'est pas le père des autres. Et par la suite, un peu plus tard, il a compris pourquoi il est le père des autres. Parce que celui qui les a baptisés, celui qui les a mariés, celui qui les fait parler de leur âme, et c'est à lui que l'âme des fidèles du village venait se s'ouvrir, et il devenait peu à peu le prêtre, devenait le père de tous ces personnes. Oui, peut-être on peut se rappeler aussi du grand sculpteur roumain Constantin Brâncusi, dont l'atelier a été refait près du centre Georges Pompidou là-bas, et on sait bien qu'il est considéré comme un créateur de la sculpture moderne au XXe siècle. On sait moins qu'il était très lié à l'Église et que son œuvre cache quelque part sa foi chrétienne. Et si on se rappelle seulement le don qu'il a laissé à la Roumanie dans sa ville natale, Târgu Jiu, ce complexe où il y a la table du silence, la porte du baiser. Et pour arriver à la colonne infinie, il faut passer par une église. Donc, il y a une église qui fait partie intégrante de cet complexe sculptural. Donc, c'était sa vision de la vie humaine qui doit conduire à travers l'église vers l'éternité. Je ne suis pas un spécialiste de Brâncusi, comme on le connaît ici, de son œuvre, disons, en dehors de la Roumanie, de ce qu'il a laissé en Roumanie. Tout ce que je peux dire, c'est bien sûr le fait qu'il a été même chantre à l'église roumaine qui est ici à Paris, sur la rue Jean de Beauvais, qui existe même aujourd'hui. Et on voit à travers son œuvre qu'il a laissé en Roumanie, et là tu viens d'évoquer tout à l'heure la table du silence, la porte du baiser et la colonne infinie. À travers tout ça transparaît à la fois la rencontre de l'homme avec Dieu, le fait que Dieu et l'homme s'assoient ensemble à une table, qu'ils se côtoient, parfois ils ne se disent rien, mais ils vivent tout simplement ensemble. Cette porte du baiser, qu'on peut aussi voir comme une sorte de porte de l'amour, de la rencontre de l'homme avec Dieu, la bénédiction que Dieu donne à l'homme cette bénédiction la plus grande qui est l'amour, la capacité infinie de l'homme d'aimer, de pardonner, de rencontrer l'autre et de rencontrer et d'aimer avant tout Dieu. Et bien sûr, cette colonne qui nous renvoie vers cette quête de Dieu qui traverse l'esprit, l'âme de l'homme durant toute sa vie. Toute son œuvre, on peut dire, que jaillit de son âme, mais une âme fécondée par la foi, par l'Évangile, mais aussi par la rencontre des autres, des différents, voir comment eux ils pensent l'homme et comment ils pensent Dieu, et il a essayé de le mettre en ses œuvres, de l'éterniser un peu, de s'arrêter un petit instant dans la matière avec ce que l'homme vit dans l'esprit. En ce qui concerne son œuvre, qu'il a laissé un héritage à la ville de Paris, je rappelle aux auditeurs que même s'ils n'ont pas allé visiter son atelier, ils ont peut-être rencontré une sculpture de Brancusi, une réplique de la sculpture qui s'appelle La Prière, dans la station de métro de la Madeleine, sur la ligne 14, qui a été mise là-bas il y a quelques années, lors de l'année dédiée à Brancusi. Peut-être on peut rappeler aussi une autre personnalité d'un autre domaine. Il s'agit du grand compositeur roumain George Enescu, qui a lui aussi travaillé à Paris la dernière partie de sa vie, vu que en Roumanie le régime communiste s'est installé, et donc qui fait aussi partie d'une certaine manière des deux cultures, la culture roumaine et la culture française. C'est très bien d'avoir rappelé sa présence, bien sûr, très chère à nous les Roumains, surtout qu'il a marqué par sa vie, par sa composition, par son interprétation, par le don qu'il avait de transmettre la connaissance, l'art de la musique à tant d'élèves ici en France. Moi, je rappellerai seulement le maître Yehudi Menuhin qui parlait d'Enescu comme de son maître le plus cher. Bien sûr, ce que Enescu a fait, c'est aussi faire rencontrer les deux mondes. C'est son travail sur la musique populaire roumaine qu'il a transcrit, qu'il a remis, qu'il a mis sur le chemin de l'opéra ou de la symphonie. Donc, on peut parler aussi d'une rencontre, d'un pont. Cette fois-ci, avec Ionesco ou Seurat ou Eliade ou d'autres, dans le domaine de la culture. Mircea Eliade, justement, Mircea Eliade reste un des plus grands historiens des religions. Et c'est peut-être aussi bien de rappeler son nom, parce que lui aussi, il a travaillé à Paris, et avant de se rendre aux États-Unis, où il est devenu vraiment célèbre. Donc, c'est quelqu'un qui a connu la religion de l'intérieur, d'une façon très profonde. Et il est devenu un analyste, un connaisseur des religions. Je pense le premier et le plus grand qui a fait connaître aux autres les croyances du monde d'une manière systématique, et il a créé une école même, je pense, des sciences des religions. Avant d'écouter un deuxième morceau composé par Paul Constantinescu, un grand compositeur roumain, mais qui était aussi un grand chrétien, un grand mystique d'une certaine façon, quelqu'un de très attaché à la prière. Peut-être, s'il vous plaît, vous pouvez dire deux mots sur le buisson ardent, cet phénomène extraordinaire de la culture roumaine qui a été une résistance tout à fait originale, extraordinaire contre le communisme à l'époque très dure des années 50. C'est que la recherche, ce que je disais tout à l'heure de Brinkouche, cette quête de l'homme envers Dieu, la quête de Dieu que l'homme développe tout au long de sa vie, aboutissait entre les deux guerres à une rencontre entre beaucoup de ces chercheurs éternels qui étaient, qui sont et qui seront jusqu'à la fin des temps parmi nous, les humains. Donc beaucoup d'intellectuels de l'époque en Roumanie ont formé un groupe de prière. Et ils voulaient prier à la manière des hésychastes. Hésychastes, mais c'est une manière de prier et de contempler Dieu jusqu'à arriver à acquérir, à recevoir la paix de Dieu dans l'âme, dans son cœur, et bien sûr se rencontrer d'une manière évidente et secrète, mystique, au plus profond de son cœur. Donc la prière et l'hésychasme tournent autour de la prière de Jésus, et ce groupe d'intellectuels ont formé eux-mêmes un groupe de prière hésychasme, de prière de Jésus, et la pré-guerre, l'entrée et l'arrivée du communisme en Roumanie les trouve dans ce groupe hésychaste qu'ils ont appelé Buisson Ardent, d'après la vision qu'a eue Moïse dans l'Ancien Testament. Et nous savons que ce Buisson Ardent symbolisait la Mère de Dieu, la Vierge Marie qui reçoit en ses entrailles Dieu lui-même, elle reçoit le feu divin sans se faire brûler. De la même manière, eux, ils pensaient que la prière, la grâce qui entre, que l'homme reçoit dans son cœur, Dieu habite l'homme et cohabite avec Dieu, l'homme cohabite avec Dieu, c'est cette recherche de fait de cohabitation avec Dieu dans au plus profond de nous-mêmes qui a fait que ce groupe a été traité de dangereux pour le système, et beaucoup d'entre eux, la plupart de ceux qui faisaient partie de ce groupe, ont connu la prison, et certains sont morts même dans la prison. En effet, parce que tous ont connu la prison, sauf André Scrima, le père André Scrima, qui a réussi à arriver en France au bon moment, et qui a d'ailleurs écrit des livres sur le Buisson Ardent, qui sont en train d'être traduits en français d'ailleurs. Un des martyrs de ce groupe a été aussi Paul Constantinescu, dont on a parlé un peu, et parmi les fruits de son travail de prière, c'est aussi l'oratorio byzantin de Noël, qui est maintenant de plus en plus connu en Occident. Donc à partir de la musique byzantine, qui est la musique traditionnelle liturgique de l'Église orthodoxe roumaine, et on a écouté plutôt le tropaire de Saint Basile, interprété justement dans cette musique byzantine. Donc lui, il a essayé d'adapter cette musique pour le concert. Il a réalisé cet oratorio. Et on va écouter une partie, une hymne dédiée à la Vierge, qui est chanté justement pour la fête de la Sainte Rencontre que nous allons célébrer dans l'Église orthodoxe le 2 février, vendredi prochain. Donc c'est la fête qui est appelée en Occident plutôt la présentation du Christ au Temple. Thank you. Radio Notre-Dame. Voilà, on continue cette émission avec Monseigneur Joseph, le métropolite de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale. Et on a une question de la part d'une des auditeurs. Bonjour. Oui, bonsoir. Donc, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Guy. Oui, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? De Paris. D'accord. Nous attendons votre question. Alors, je ne sais pas comment il faut appeler Monseigneur. Oui. Je voudrais savoir la différence entre les... S'il y a, par exemple, une dissension entre un patriarche. Patriarche, mettons, de Moscou, patriarche de Sofia ou de Bucarest. Oui, donc s'il y a des dissensions, c'est ça la question. S'il y a des dissensions. D'accord. Parce que bon, je suis catholique. Si, par exemple, il y a un problème entre un évêque ou un autre, bon, c'est le pape qui décide. Mais chez vous, il y a pas d'autorité suprême. D'accord. Merci beaucoup. Monseigneur Joseph va vous répondre. Merci, Guy, pour votre question. Donc, il n'y a pas de différence entre les patriarches, par exemple de Moscou, de Sofia ou de Bucarest ou d'Antioche ou d'Alexandrie. C'est l'ancienneté en premier qui est une différence, non? Parce que s'il y a les patriarcats qui existent depuis le 4e siècle déjà, et donc le patriarcat de Moscou, de Bucarest ou de Sofia ou de Belgrade ou les églises plus récentes de Finlande ou de Pologne même, donc c'est une différence de d'âge, on peut dire. Et en ce sens, il y a une primauté. Dans l'Église orthodoxe aussi, il y a le patriarche de Constantinople qui est le premier, après il y a les autres patriarches. Si un différend apparaît entre un patriarche et un autre, c'est l'appel et celui qui essaye de résoudre le différend entre les deux et le patriarche de Constantinople. Donc l'appel est fait au patriarcat de Constantinople. Voilà, on va l'émission approche de sa fin. Donc, avant de conclure, peut-être vous pouvez nous dire quelques mots sur la semaine œcuménique qui vient de se terminer et le dialogue œcuménique entre les deux églises et la participation de la Roumanie à ce dialogue. Voilà, le cardinal Casper, président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, s'est félicité le mercredi dernier de l'amélioration du rapport entre catholiques et orthodoxes. Qu'est-ce que vous en pensez, Monseigneur Joseph? Bon, on peut dire, peut-être pour citer ce qu'on dit dans les dialogues depuis déjà des années et des années, que l'Orient et l'Occident n'étaient jamais si proches qu'aujourd'hui. Du fait qu'ils se connaissent très bien, qu'ils se côtoient, qu'ils se rencontrent, jamais au premier millénaire, quand l'Église était une, l'Orient et l'Occident étaient unis dans une seule Église. La connaissance des uns et des autres n'était aussi grande qu'aujourd'hui. Le dialogue développé surtout après le Concile Vatican II entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe d'un côté et entre, même avant le Vatican II, entre l'Église orthodoxe et les églises protestantes et issues de la Réforme, a fait que les chrétiens ont beaucoup parlé les uns des autres, qu'ils ont fait bien sûr état de leurs différences, mais surtout ils ont vu ce qui les unit, ce qui peut les unir, ce qu'ils ont en commun. C'est comme ça que nous avons commencer même cette émission. Le sujet, le thème de cette année, de la semaine de prière pour l'unité était « Il fait entendre les sourds et parler les muets ». Ça exprime la proximité du Christ, de genre humain, mais de tout ce qui souffre. Mais qui sur cette terre ne souffre pas? On peut dire que le genre humain en entier souffre et cherche une sorte d'élibération de la souffrance, d'éloignement, de guérison de ces souffrances profondes. Et la plus grande des souffrances, c'est la mort. Donc, le Christ qui est venu guérir cette maladie de la mort est notre salut. Et nous voulons que, peut-être qu'on achève cette émission par un souhait que le Seigneur entende la voix de l'humanité qui souffre, la voix de l'humanité qui cherche sa guérison, la voix de l'humanité qui cherche la paix, la joie, l'amour, l'unité, le pardon, la coexistence avec tous les autres et le respect. Que le Seigneur aide et nous aide à nous tous de vivre ce que nous cherchons au plus profond de nous-mêmes. Merci Monseigneur Joseph pour votre participation à cette émission. Merci à tous les auditeurs pour votre attention. Mes remerciements aussi à Jean Rocky qui nous a aidé à la réalisation technique de cette émission et à Adriana qui est au standard. Le réalisateur de cette émission, Bogdan Florin Vlaicu, vous souhaite une semaine remplie de joie spirituelle et vous donne rendez-vous. Non.